Elle est jolie comme un petit encore plein. Elle jeunesse ne sois pas stupide et comprends. Si fallait comme toi longtemps, je te couvrirais de promesses. Oui, si j'avais comme toi longtemps, je te couvrirais de promesses. Au nom de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà le fait qu'un jour on existe, on découvre le monde merveilleux et ça. I don't speak French. Si tu dis non, je veux pas. What's the matter? Putain, j'entends plus rien. En fait, c'est que la basse, elle passe dans... La basse, elle passe directement dans mon micro parce que... Tout ce qui aime, qui pense, qui résonne. pressée. Studio de 3 et au 5 là. Ici la bouche fermée, je veux planter mes racines. Retrouver Colombine si tu n'as pas de problème. La source telle que j'aime. Tout ce qui brille, tout ce qui aime, qui pense, qui raisonne. Tout ce qui fait qu'un homme est un homme. Tout ce qui met le cœur au soleil. Tout ce qui met le cœur au soleil. Moi je vous défile responsable si tu fais ton terroir. Si tu te sens une vagabonde, alors bye bye, c'est bon. Va voir autour du monde. Qui pense, qui résonne, tout ce qui fait qu'un homme est un homme. parler avec moi. Tout ce qui rit, tout ce qui aime, qui pense, qui résonne, ce qui fait qu'un homme est un homme. Tout ce qui met le cœur au soleil. Vas-y, essaye. Tout ce qui brûle, tout ce qui bat, qui cogne, qui résiste, tout ce qui fait qu'un jour on existe. Et qu'on découvre des mondes émerveillés. Essaye. Bye bye, je vais manger. Bisous. Merci. On aura écouté ça sur le player. Bye bye. Yeah. Thank you.